L'actualité à Nancy et ailleurs. Un événement festif à l'hippodrome de Nancy, ce sera le vendredi 6 juin, c'est la fête des enfants, ce sera de 15h à 20h et pour nous parler de cet événement mais aussi de l'association de l'hippodrome de Nancy, nous avons en studio Joanne Gérard. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes bénévole de cette association. Tout à fait. Depuis longtemps ? Oui, maintenant depuis une vingtaine d'années. Vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de cette association ? C'est très simple, c'est l'organisation des courses hippiques. Il y a un peu plus de 200 hippodromes en France, Nancy en fait partie. Et tout le système des courses hippiques en France est géré sous système associatif. Donc l'association des courses hippiques de Nancy-Brabois est une de ces nombreuses associations en France. Et vous avez rejoint donc cette association, votre lien vous avec cette association, puis au plus largement le monde hippique ? Mon lien sur le monde hippique remonte assez longtemps parce que mon père travaillait à l'hippodrome de Brabois. Moi, j'étais journaliste hippique pendant une vingtaine d'années. Je travaillais aux courses pour différents médias. J'ai commenté les courses à Nancy. Et donc, j'ai eu envie de m'investir pour l'association. Et là, je m'occupe désormais de la commission communication. Voilà, une nouvelle fonction donc, au sein de cette association. Et votre présence aujourd'hui, c'est bien sûr ce rendez-vous, la fête des enfants. Ça fait longtemps que ça existe ? Alors ça fait une petite dizaine d'années et puis là on a voulu vraiment mettre l'accent sur ce moment clé de la saison pour attirer du monde et surtout faire découvrir ou redécouvrir l'hippodrome de Brabois qui est pas forcément connu des Nancéens alors que c'est quand même un site exceptionnel. C'est 35 hectares de nature comparé à la pépinière qui fait 20-21 hectares à peu près et vraiment à portée de transport. Hein, on est vraiment en face du CHU de Brabois donc accessible avec le tout nouveau trolley, la ligne 1 et un stationnement facile pour ceux qui viennent en voiture, stationnement gratuit. Très gratuite pour les enfants, donc c'est vraiment une animation, enfin voilà, on peut passer un bon moment à moindre coût. L'entrée de 5 euros pour les personnes adultes, donc on peut passer vraiment un bon moment qui dure dans le temps aussi. Voilà, vous avez dit que c'était un moment clé, cette période du mois de juin, pourquoi ? Alors on va courir sur ce qu'on appelle en semi-nocturne, donc les courses vont démarrer autour de 15h30 et se prolonger jusqu'à un peu avant 20h, donc c'est un moment sympa en mode after work, hein, on a le temps de venir en sortant du bureau ou de l'école avec les enfants. Et puis c'est un moment festif, il y aura de nombreuses animations, tout est gratuit pour les enfants. Balade à poney, structure gonflable, distribution de churros, de barbe à papa, plein d'animations gratuites pour les enfants. Voilà, on le redit, c'est le vendredi 6 juin, donc après le travail, on sera entre 15h et 20h, on n'hésite pas à venir à l'hippodrome. Hein. C'est ça, et on peut même prolonger le plaisir avec la guinguette, puisqu'il y a une guinguette sur le site de l'hippodrome qui s'appelle la Jument Bleue, qui sera ouverte dès la veille, hein, c'est l'opening le 5 juin. Donc voilà, on peut faire durer le plaisir, et puis... Au-delà des animations, il faut aussi surtout venir pour les courses, si vous ne connaissez pas les courses hippiques. C'est vraiment des sensations magiques pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi comme une sensation que vous pouvez ressentir, vous ? Alors, je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous avez déjà senti la terre trembler sous vos pieds ? Pas forcément. Eh bien, voilà. Donc là, il y aura 8 courses réservées aux galopeurs, donc des purs sang. Donc voilà, un pur sang, un cheval de course, c'est 350-400 kg, lancé à presque 60 km/h. Ça va être un peloton de 14, 15, 16 chevaux. Donc vous imaginez un peu le spectacle. Des sensations quand on est un enfant qu'on ressent encore beaucoup plus, j'imagine. Oui, on a tous vu un enfant avec les yeux qui brillent devant un animal, et un cheval en particulier, hein, c'est la plus belle conquête de l'homme. Donc voilà, c'est le cheval de course, c'est un athlète de haut niveau, c'est vraiment magnifique à voir. Donc le vendredi 6 juin, de 15h à 20h, la fête des enfants. Il y a d'autres rendez-vous un peu comme ça dans l'année ? Oui, il y aura la fête de l'hippodrome le dernier dimanche de septembre. Et là encore avec beaucoup d'animations, spectacles. Là on met vraiment le paquet aussi sur cette journée-là. Et sinon, donc il y a 14 journées de course dans l'année réparties sur le printemps et l'automne. Merci beaucoup Joanne Gérard. Un dernier mot peut-être pour donner envie aux auditeurs de venir à l'hippodrome le 6 juin. Quand vous venez aux courses, vous y reviendrez. Et une raison de plus d'aller à l'hippodrome le vendredi 6 juin, c'est les entrées que Fadjet vous offre. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de la radio www.fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.